Là, ça sent pas bon. Ça pue le gasoil, quoi. Ouais. Ah ouais, vraiment, ça pue. Le gasoil de voiture ? De voiture. Ah, attends, ralentis un petit peu. Je prends une photo. Et là, ça sent encore très fort le gasoil ou l'huile. Ouais. Les odeurs, elles sont quand même bien fortes. Ouais, tu perçois beaucoup ça, c'est vrai. Ouais. Et là, je sens que l'odeur a changé, comme si on se rapprochait. Mais ça, c'est pareil, comme si on se rapprochait plus du centre. Et alors, tu le vois à quoi, l'odeur ? Eh ben, je sais pas, il y aurait un mélange. Ça sent plus que le gaz, ça sent plus que l'odeur de voiture. Ouais. Ça sent peut-être une odeur, un mélange de bouffe, d'odeur de ville. Mmh. Ouais, d'odeur de ville. Presque comme si on était vers le quartier des antiquaires. Mais je sais pas en fait. Ouais. Ou une odeur de parfum. De parfum de. De comme peut-être de lessive ou de magasin. Mmh. Ça ressent les voitures. Est-ce que t'as des odeurs malgré les voitures ? Des fleurs. Mmh. Peut-être un peu. Ouais. Tu saurais les situer ou c'est dur ça mais... Là-bas ? Non. D'accord. Bah je sais pas, le vent il vient d'ici alors. Ouais. Ça voilà, sent le mimosa en fait. D'accord. Ça sent la frite ? Ah, là, ça sent les égouts. Mmh.